Deux flics en civil débarquent chez vous et vous informent qu'ils ont retrouvé votre voiture. Mais vous n'avez déposé aucune plainte concernant un vol et vous ignorez même que votre voiture a été volée. Alors vous courez à la fenêtre et vous vous penchez pour constater qu'effectivement votre voiture n'est plus à l'endroit où vous l'avez laissée la veille. Les flics vous rapportent qu'un vol a eu lieu, un vol que vous n'avez pas déclaré. Par des détours invraisemblables, ils vous font comprendre qu'ils ont retrouvé le véhicule. Et où est-il ? Question innocente. Ils réfléchissent, enfin ils vous annoncent clairement qu'ils veulent 10% de sa valeur. Fantastique, en plus il y a une grille tarifaire. Ça c'est si vous voulez qu'elle réapparaisse, ainsi inutile. Parce que dans le cas contraire, ils peuvent très bien l'expédier hors de la ville, ni vu ni connu. Si vous êtes assuré, vous leur dites de partir et vous vous arrangez avec l'assurance, sinon vous venez de tomber dans le piège. Votre véhicule vaut dans les 490 000 pesos. Il faut donc racheter 9 000 pesos. Vous savez très bien que ces deux individus assis dans votre salon qui ont accepté un petit café, qui ont volé votre voiture et vérifié vos papiers sont venus trouver un petit arrangement avec vous et que vous êtes le dindon de la farce. Vous dites que pour eux, c'est la routine. et que tous les jours, ils doivent monter une ou deux arnaques dans le genre. Un temps, il existait ici aussi une culture de la marijuana, produit national. Des noms mexicains pour les marques qui n'ont toujours pas été déposées. Acapulco Gold, Tijuana Blacks, Oaxaca Small. J'ai l'impression que tout ça s'est terminé et que les traditions alcooliques ont triomphé. Tout a foutu le camp avec la conversion des hippies en bureaucrates et la crise économique. Il arrive encore que de temps en temps, une fumée de bœufs échappe de la foule à l'occasion d'un concert de rock. La consommation de drogue à Mexico ne semble pas constituer une angoisse majeure dans l'opinion publique, contrairement à beaucoup d'autres sujets comme les inondations, les secousses sismiques, la pollution. L'héroïne n'a jamais vraiment percé au Mexique de temps en temps, mais c'est rare. On entend parler d'un cas de toxicomane et on s'imagine alors qu'une sorte d'extraterrestre ou droit débarqué d'une post-production hollywoodienne, personne n'y croit. La coke, la drogue des yuppies et des décideurs génèrent des rumeurs, mais ça ne va pas plus loin. Parfois des ragots donnent lieu à quelques brèves isolées dans les journaux. On entend dire un peu partout que la poudre blanche traîne dans les toilettes de Televisa. On raconte ici ou là qu'une star de ciné s'est fait refaire les cloisons nasales ou qu'un comique d'une émission de télé pour enfin sniff avant d'aller s'exhiber devant les caméras pour raconter des blagues débiles. Pourtant, il est rare que la drogue dure envahisse les quotidiens de ses habitants, même si on peut en trouver à peu près dans n'importe quel spot de la vie nocturne, accessible aux classes moyennes. Ici, le mot drogue n'est pas associé à la consommation, mais au trafic. Nous sommes le grand porte-avions, la piste d'envol vers les États-Unis de milliards de tonnes de marijuana, de centaines de kilos de cocaïne. Les productions locales et sud-américaines franchissent la frontière avec des camions fantômes. Nous sommes le grand porte-avions, la piste d'envol vers les États-Unis. De milliards de tonnes de marijuana, de centaines de kilos de cocaïne. Les productions locales et sud-américaines franchissent la frontière dans des camions fantômes, sous les yeux des douaniers qui les ferment de bon cœur. À Mexico, les narcos se sentent persécutés, mal à l'aise et en même temps tout puissants. De temps en temps, ils viennent déballer leurs gourmettes en or et boire du cognac français avec des flics. Les chiens de l'aéroport ne savent pas renifler ce qui se cache derrière l'autre colonne, le haut. À l'autre bout de la ville, au vu et au su de tout le monde, des milliers de déchets humains rôdent dans les rues. Des enfants de 10, 8, 5 ans, regards vitreux, bégayants, les mains et les yeux pleins de terre battue. Ils sont quelques-uns, des dizaines de milliers. On les appelle les chemos, les glues, de la colle pour les retaper. Ils inhalent des solvants chimiques comme de la térébenthine. Ils se défoncent aux vapeurs de colle. Contenu dans des sacs plastiques. C'est la drogue de l'infravie, de la misère. Pour quelques pesos, ils s'offrent un rêve qui tourne en boucle. Leurs neurones meurent peu à peu. Pour eux, la vie est plus courte. Vous avez bien entendu, oui, c'est Nuisance. Nuisance, l'émission de toutes les nuisances. Qui commence, comme tous les vendredis, de 21h à 23h sur l'antenne de Canal Sud. C'est-à-dire au 92.2 FM MHz toulousain. Ou sur le canalsud.net, nous écouter. Radio Libre ou mourir, Canal Sud, Nuisance. Thank you. c'est toujours Canal Sud, Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net. Après c'est quelques parasites sonores, vous allez avoir droit à d'autres parasites sonores. Des parasites soniques, ni queue ni queue de tête, toujours dans Nuisance, Nuisance l'émission qui n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'on peut l'écouter à l'envers, ça revient à peu près au même, c'est des cliquetis, des cliquetas, qui sur le tas résonnent en silence. N'est-ce pas ? J'allais passer donc à la nomenclature 2 bis alinéa 97 C 15 21 57 A 12 37 90 B 24 A C D Opus 24 DI Mon DI, qu'est-ce que tu fous avec ta clope, allume-la avant qu'elle ne tombe de ta main, en guirlandais par moi-même. Réveille-toi. Le dormeur n'est pas réveillé, et c'est pour ça qu'on l'appelle le dormeur. Et la dormante? I window, I don't care. Window, door, I adore you, I window you, I don't care. Open up and say ah. Have you heard the word? I said a word. It sounded like this and like that, but I didn't find it, not the happy way. About it's all go in a pot, go in a pot, and potty knows what we're talking about. It's not like you got something to say, you stupid fuck. I hate myself and I'm dead already, and I know it. I don't care anymore. I don't give a triple crack fuck about any fucking shit. I got anything to say, it's all the same to me. You know what I mean. Have you heard the answer tonight? The answer to Jizzimmy Cum up the bum. The bum is Jizzimmy Cum. Have you said it? Have you said it twice? Have you said it once? I'll never say it again. I'm a jizzy me cum bum. Up the machine fuck man, dildo. You know? Ce qui veut à peu près dire, bienvenue en enfer. Bienvenue en enfer. Je crois que j'en rêvais déjà. Et à quoi ça mène? Qui veut être dans la police maintenant? Qui fait le sale boulot? C'est la police. Qui attend dehors sans bouffer? C'est encore nous. Changez de boulot. Si vous vous faites souvent gronder et battre par votre mère, est-ce que c'est pour ça que vous en changez? Hé, hey, capitaine Ma, pour les millions de dollars que Mike a demandé. Les chefs refusent pour l'instant. Comment? Si je comprends bien, Mike va se faire descendre? Mais là, on est en train de te battre. C'est insensé d'avoir à se battre pour ça. Il s'agit de coincer toute la bande. On va vous les rendre de toute manière. Vous oubliez qu'il y a un précédent. À Hong Kong, on vous a prêté 5 millions pour coincer une bande. Je m'en fous. Merde, je vais le sortir de là. Hey, on fonce. Ils vont vers le parc. Have you heard the wondrous ways, the sort of thingamajigs, the whole time, flying, volant, contre le vent, le parfum, des senteurs obscures, inobscus islam, tout en laissant de travers, ces et d'autres, âmes, comme elles étaient avant, inchangeantes, donc non âme, la mort. La vie, elle, quant à la vie, vit, la vie. N'est-ce pas? N'est-ce pas?

ce sont mes parents, mon frère et ma sœur que j'oublierai et que j'oublie déjà, mais non pas mon malheur. Ton frère te protégera, mon petit Martinet. Il t'aimera plus que personne ne t'a aimé parce qu'il t'a toujours aimé comme il n'a aimé personne. Il sera à lui seul tous les hommes dont tu auras besoin. Je ne veux pas être aimé. Ne dis pas cela. Il n'y a que cela qui vaille quelque chose dans cette vie. Comment oses-tu dire cela? Tu n'as jamais eu aucun homme. Tu n'as jamais été aimé. Tu es resté toute seule toute ta vie et tu as été très malheureuse. Je n'ai jamais été malheureuse, sauf de ton malheur à toi. Si je sais que tu as été très malheureuse, je t'ai souvent surprise en train de pleurer derrière le rideau. Je pleure sans raison, à des heures régulières pour prendre de l'avance. Et maintenant, tu ne me verras plus jamais pleurer. J'ai pris beaucoup d'avance. Pourquoi veux-tu partir? Je veux le retrouver. Tu ne le retrouveras pas. Je le retrouverai. Impossible. Tu sais bien que ton frère a essayé pendant des jours et des nuits pour te venger. Mais moi, je ne veux pas me venger. Alors, je le retrouverai. Et qu'est-ce que tu feras quand tu l'auras retrouvé? Je lui dirai quelque chose. Quoi? Quelque chose. Où penses-tu le trouver? Dans le petit Chicago. Pourquoi veux-tu te perdre, colombe innocente? Non. Ne m'abandonne pas. Ne me laisse pas toute seule. Je ne veux pas rester seule avec ton frère et tes parents. Je ne veux pas rester seule dans cette maison sans toi. Ma vie ne voudra plus rien. Plus rien n'aura de sens. Ne m'abandonne pas. Je t'en supplie. Chez la bière. Je vais la battre. Comme je le faisais jadis. Pourquoi ai-je arrêté un jour? J'avais le bras fatigué. J'aurais dû me forcer. Faire de l'exercice. Me faire faire par quelqu'un d'autre. J'aurais dû continuer comme autrefois. La battre tous les jours. Et régulière. Voilà. Attardé au-delà de ce qui est raisonnable. Je me réjouissais d'avoir attrapé le dernier métro, lorsque soudain, à un carrefour de ce dédale de couloirs et d'escaliers, je n'ai plus reconnu ma station, que je fréquente pourtant si régulièrement que je pensais la connaître aussi bien que ma cuisine. J'ignorais cependant qu'elle cachait, derrière le parcours limpide que je pratique tous les jours, un monde obscur de tunnels, de directions inconnues, que j'aurais préféré ignorer, mais que ma sotte distraction m'a forcé de connaître. Voilà soudain que les lumières s'éteignent et ne laissent comme clarté que celle de ces petites lanternes blanches dont j'ignorais même l'existence. Je marche donc, droit devant moi, dans un monde inconnu, le plus vite possible, ce qui ne veut pas dire grand-chose pour le vieil homme que je suis. Et lorsqu'au bout d'interminables escaliers mécaniques à l'arrêt, je crois apercevoir une issue, patatras, un énorme grillage en interdit l'accès. Alors me voici ici. Dans une situation bien fantaisiste pour un homme de mon âge, puni de ma distraction et de la lenteur de mon pas, à attendre je ne sais trop quoi, et je ne veux pas trop savoir quoi. Car de telles nouveautés, décidément, à mon âge, sont dures à avaler. Sans doute, le petit matin. Oui, sans doute, est-ce cela que j'attends dans cette station qui m'était aussi familière que ma cuisine et qui me fait peur maintenant. Sans doute suis-je en train d'attendre que les lumières ordinaires se rallument et que passe le premier métro. Mais je suis fort inquiet, car je ne sais pas comment je rêverai la lumière du jour après une aventure aussi farfelue. Cette station ne m'apparaîtra jamais plus pareille. Je ne pourrai plus ignorer la présence de ces petites lanternes blanches qui n'existaient pas jadis et puis une nuit blanche. Je ne sais pas comment cela transforme la vie. Je ne l'ai jamais fait. Tout doit être décalé. Les jours ne doivent plus alterner avec les nuits, comme cela se faisait jadis. Je suis très inquiet au sujet de tout cela. Mais vous, jeune homme, dont les jambes ne semblent bien agiles, et l'esprit bien clair, oui, je vois bien votre regard clair et non pas trouble et sot comme celui du vieil homme que je suis. Il est impossible de croire que vous soyez laissé piéger par ces couloirs et ces grillages fermés. Non, même un grillage fermé, un jeune à l'esprit clair comme vous le traverserait comme une goutte d'eau à travers une passoire. Travaillez-vous ici la nuit? Parlez-moi de vous, cela me rassurera. Parlez-moi de vous. Cela me rassurera. Parlez-moi de vous. Cela vous rassurera. Parlez-moi de vous. Que voulez-vous savoir? Il y a tant de choses que je pourrais dire. Il faut trier, me dire, en quelque sorte, ce que vous désirez entendre. Parlez-moi de tout. Tout. Je pourrais vous parler de la mer. Je pourrais aussi vous parler de chaque grain de sable. Mais votre vie, le temps qu'il vous reste ne sera pas suffisant pour tout entendre. Il faut me dire ce que vous désirez entendre. Mais si vous voulez que je vous parle de la mer et des vagues et des poissons qu'il y a dans la mer et aussi peut-être des sirènes qu'il y a dans la mer, avez-vous déjà rencontré des sirènes? Voulez-vous rencontrer des sirènes? Oui. Non. De quelle couleur voulez-vous que votre sirène soit? Bleu. Une sirène bleue au fond de la mer, entourée de poissons multicolores? Alors, au fond de la mer, il y a une sirène bleue. Un jour, la sirène bleue voulait voir ce qui se passe sur terre. Elle sortit du fond de la mer et fixa le soleil. Elle aimait aussi cette lumière. Et chaque jour, elle voulut revoir le soleil. Un jour, un pêcheur arriva sur sa barque. Depuis des jours déjà, les pêcheurs ne prenaient pas de poissons dans leur filet. La sirène vit que le pêcheur était beau. Alors, elle plongea au fond de la mer et elle fit remonter les poissons à la surface et les poissons furent prisonniers du filet du pêcheur. Le pêcheur retourna dans son village avec tout plein de poissons et les villageois lui firent une fête car depuis des semaines déjà, aucun n'avait emporté de poissons dans son filet. Le lendemain, matin très tôt, le pêcheur retourna encore sur la mer. Et sa barque flottait sur la mer. Il attendait, il attendait, il attendait. Et puis, la sirène apparut de nouveau et il vit et elle vit à nouveau le beau pêcheur qui attendait dans sa barque. Le pêcheur aperçut la sirène et lui aussi fut ému de la voir. Car, évidemment, il avait entendu dans les histoires qu'on lui contait souvent que les sirènes existaient. Mais jamais il ne croyait à ces histoires et il disait en son fort intérieur que ce n'était que des histoires de vieilles femmes. Mais lorsque, ce jour-là, il vit la sirène, il fut véritablement ému. La sirène plongea à nouveau au fond de la mer et elle fit remonter des poissons et à nouveau il retourna dans le village avec son filet rempli de poissons. Le voisin qui lui aussi partait chaque jour à la pêche revenait bredouille. Et à vrai dire, les gens ne comprenaient pas pourquoi lui revenait avec tout plein de poissons dans sa barque et pas l'autre. Le lendemain, à nouveau, le pêcheur retourna avec sa barque et il attendit sur la mer. Et à nouveau, lorsque l'aurore apparut à l'horizon, à nouveau, À nouveau, la sirène remonta à la surface. Et elle s'approcha, elle s'approcha, elle s'approcha tout près de la barque, si bien que le pauvre pêcheur pouvait la frôler, la toucher avec ses doigts. La sirène la regarda de nouveau, de nouveau, elle le regarda, et de nouveau, il la regarda aussi, et à nouveau, il fut ému. La sirène plongea à nouveau au fond de la mer, et à nouveau, de nombreux poissons remontèrent à la surface. Il retourna au village, et le village à nouveau fut surpris de le voir revenir avec tout plein de poissons dans sa barque. Et ainsi, il s'en alla pendant des jours et des jours. Un jour, il demanda à la sirène de la ramener dans son village. La sirène lui dit, « Moi, je ne peux vivre que dans la mer. Comment ferais-je pour vivre sur la terre? Même si j'aime la terre, même si je voudrais moi aussi pouvoir marcher, et cueillir des fruits et les manger. » Alors, l'homme lui dit, « Peut-être que tu pourrais demander à ton père qui vit au fond de l'océan s'il sait comment faire en sorte que tu puisses vivre avec moi sur la terre ferme. » Alors, la sirène descendit au fond de la mer et elle alla parler à son père. Et son père lui dit, « Ma fille, es-tu sûre que tu veux vivre sur la terre parmi les hommes? Il n'est pas très facile de vivre parmi les hommes. Ici, tu ne manques de rien. Ici, n'existe pas la sécheresse. Ici, la pluie ne tombe pas à verse sur ton corps qui pourrait. Ici, le soleil ne brûle pas de mille feux. Que veux-tu aller faire sur la terre? » Et la sirène lui dit, « Il y a un pêcheur, et ce pêcheur est magnifique, et je veux être avec lui. » Et le père lui dit, « Alors ma fille, si telle est ta volonté, alors je connais un moyen pour que tu ailles vivre avec lui sur la terre. Mais tous les soirs, tu devras disparaître et venir au fond de la mer pour te retrouver ta forme de sirène. » Alors, la sirène remonta à la surface et l'aurore approcha. Elle vit à nouveau le pêcheur et elle dit au pêcheur quelle était la condition. Et elle dit au pêcheur, « Si jamais tu me forçais un jour à rester toute la nuit avec toi, il faudra que je disparaisse. » Et le pêcheur lui fit le serment que jamais elle ne la forcerait à rester un soir. Alors, la sirène redescendit dans la mer et dit que l'homme était d'accord. Ainsi, l'aurore suivant, la sirène monta dans la barque du pêcheur et s'en alla dans son village avec elle. Les jours passèrent, et la sirène tomba enceinte. Et elle accoucha d'un beau et jeune garçon. Mais les villageoises ne cessèrent de parler, de raconter mille et mille choses sur cet être bizarre qui ne participait jamais aux veillées, aux contes, qui ne participait jamais aux soirées où chaque femme ou chaque homme chantait et dansait. Et il disait, mais là, ta femme, là, elle est vraiment très étrange, car jamais elle ne vient danser avec nous. Jamais elle ne vient chanter avec nous. Et l'homme oublia sa promesse et exigea de la sirène qu'elle passât au moins une nuit, au moins une fois, à danser avec tous dans le village pour célébrer la naissance de l'enfant. La sirène pleura. La sirène pleura. La sirène pleura car elle savait ce qui allait advenir. Elle accepta de passer la nuit et le lendemain, elle dut retourner au fond de la mer comme elle l'avait promis à son père. Voilà les 1000 mots que vous m'avez demandé. Qu'advient-il après ? Ainsi s'achève l'histoire. Enfin, avec 3 points de suspension peut-être, les bouches qui parlent et qui veulent parler et qui laissent les mots venir mettront peut-être quelques mots à la suite de ces 3 points de suspension. Et le pécheur pêcha son fils et le dévora tout cru. dry haven, twist in the writhing matter. It matters not what you have thought. You have never fought the right victims today. Have you seen the righteousness fade away? Est-ce que tu peux entendre la nomenclature se dorer au four? Vois-tu seulement la lazure qui bleuit, qui bleuit, qui bleuit? Al et Steph. Steph et Al. Allez à Jacta Est. Al et Al. Al la la la la la. Nous n'avons encore rien vu de ce qu'on avait à montrer à la radio, car la radio ne montre pas en images, mais en mots. Ce que les choses veulent dire, c'est à vous de le dire, parce que moi, j'ai rien à dire, à part mes dires. N'allez pas vous demander ce que je fais là. N'allez même pas vous demander pourquoi perdre votre temps. Je suis seul à attendre là, sans aucune lueur, une flamme, une lampe, une bougie, le feu. Nulle lune qui m'effleure, ma fleur, dessinerait mes flancs, dont la lumière surgissant de là-haut vaincrait le noir qui m'entoure, pour me toucher, moi, enveloppée de sa robe blanche, m'éclairer, m'illuminer, m'empêcher d'être cette frêle, incommode, éphémère apparition pour vos yeux. Je suis seule avec moi-même, dans cette vue des sauvages que les autres, que tous les autres ont préféré fuir. Personne d'autre ne viendra. Pourquoi? Arrêtez de vous enquiquiner, vous séchez la cervelle, le temps vous fuit. Il n'y a que l'acte qui compte, n'est-ce pas? Que l'acte, une femme debout qui attend. Je n'ai nullement été abandonnée. Qu'allez-vous chercher de nouveau? Qu'allez-vous chercher? Âmes agitées, tourmentées esprits, intranquilles, impatients, que guettez-vous? Pourquoi fouiller? Esprit tortueux, assoiffé, rongeur insatisfait. Les autres là ont juste vu me lever, furieusement partir, revêche, sérieuse comme un cancer. Ils ont essayé de me retenir, mais en vain, je ne les ai pas écoutés. Non, personne, personne d'autre ne viendra non plus. Je suis seule, et c'est bien ainsi. Je suis seule. Seule. Et c'est bien ainsi. Et c'est bien ainsi. Ainsi. Ainsi. C'est bien seul. Seul. Nous allons doubler. Doubler le seul. Moi. Je sais pourquoi j'attends et que je reste plantée là, comme une plante arrogante sous le vent. Une grosse plante qui défie orage, vent. Je sais pourquoi. Malgré la nuit, moi, femme, je reste debout ici. Pourquoi le temps ne compte point? Il y a des douleurs, de lancinantes afflictions qui aplanissent, ni le temps. Des douleurs, des afflictions qu'aucun temps, qu'aucune peur volontiers ne peut faire fléchir. Des douleurs infinies, qui tout ravagent, anéantissent, contre lesquelles douleurs il faut rester debout et vaincre, afin que le temps se noie avec ces douleurs infinies infiniment. Il y a longtemps depuis que j'attends, longtemps que je butine de mes pas, que je marque cet emplacement. Mon cœur battant jusqu'à son propre engorgement, mes pieds trépignant d'affront, de saleté, d'orgueil. C'est ici, ici qu'ils m'ont dit, ici qu'ils logent, cet homme, cette charogne. Ici, mes yeux rivés devant sa lucarne là-haut, j'attends son apparition de pieds fermes. Ils ont tout fait pour me retenir, m'empêcher. Elle en premier, ma mère, les voisins qui l'ont toutefois aidé, cherchant à me retenir, craignant pour moi que je me fasse engloutir, il me soustrait. Mais ils n'ont pu me retenir. Me voilà enfin ici à l'attendre. Ils n'ont pu, enfin ici. Il ne m'échappera pas, je dis, car je dis, il ne m'échappera pas. Certes, mais que savent-ils de la haine en moi? Que savent-ils de ma volonté de puissance? Certes, parce qu'en moi, jamais personne ne voit signe de férocité, d'affront, de méchanceté. Certes, ils ont peur que je me fasse défaire par lui, par ce sauvage qui s'y terrasse tout. Certes, ils ont peur que je me fasse défaire par lui, par ce sauvage qui s'y terrasse tout. Femme, je suis offensée, outrée, offensée. Femme, je suis mille fois offensée. Femme, je me vengerai. Femme, je suis offensée, outrée, offensée. Femme, je suis mille fois offensée. Femme, je me vengerai. La peur, leur peur ne me fera pas reculer. Aujourd'hui, c'est moi, femme. Dans ma main, l'orage et le glaive qui le feront trembler, le feront se plier, se mettre à genoux. Moi, femme, en personne, je le terrasserai, celui-là. Dans ma main, l'orage et le glaive qui le feront trembler, le feront... Après, il n'existera plus. Quelque bourreau qu'il soit, s'il s'octroie la légitimité de la peur, c'est parce que nous la lui accordons. Les gens ne savent pas. Ce sont eux qui légitiment eux-mêmes leurs bourreaux. Pas aujourd'hui. Moi, le glaive et la balance. Moi, le bourreau. Aujourd'hui, moi, la fureur. Venez voir. Approchez. C'est moi. Par ce moment même, qui me verrait témoin de votre face, votre insolence, votre saleté de face, vous l'effacerez de la terre, de l'existence. Effacez, je dis, effacez. Venez voir, montrez-vous, et ce sera fini pour vous. Venez, je vous planterai mes clous et vous tuerai sec. Je l'effacerai. Non. Non. Non. Non. Que non. Que non. Vous ne le ferez pas, je sais. Vous allez vous cacher pendant que je suis là, en attente de vous transpercer. Mais rien ne me fera reculer. Rien. Il me faudra vous abattre pour aller après m'endormir, vous rêver tranquillement, mourir. Pour vous, je ne veux qu'un monde de cauchemars. Dans ce monde tout noir, que vous serez transporté, et c'est moi qui vous y transporterai à jamais. Senteur désagréable, crasse, odeur fétide, chacal, hyène, puanteur, pansement humide et ensanglanté, merde, merde, merde, emblème de merde. Vous ne serez qu'un maréchal du noir, mon bon, le grand. Plus, eczéma, cancer. Ça ne saurait se passer autrement. Je vous tuerai sans ménagement, sans aucun ménagement. Il ne s'agit que d'attendre. Il ne suffit que de cela. Votre temps est compté. Le mien aussi. Je compte le temps pour vous de finir à jamais. Et pour moi le temps de me venger, m'alléger, m'abreuver de votre sang que je verrai couler, que je me réjouisse enfin à être celle qui prend le procès de tous à la ronde, d'en finir avec vous. Que de la ville, de toute la terre, vous vous abrégiez et d'autres que vous, moi, vous soustraire à jamais. Pour vous, le temps de ne plus être, pour vous, le temps de n'être plus que vent, même pas que vent, ombrage, même pas ombrage, et c'est moi, moi, rien que moi, femme, enfin, enfin, moi, pour ma grande joie, moi, c'est tout. L'eau du ciel continue de tomber. Qu'il pleuve alors et tant pis. Que cette pluie, que ce temps se poursuive, qu'entre maintenant et l'après les deux temps se joignent. Pourquoi ne serait-il pas? Pourquoi ciel n'arrêterait-il de pleuvoir? Oui même, tant pis. Tant pis si le ciel lâche ses vagues déferlantes pour m'absoudre, m'empêcher, tant pis. C'est un malencontreux petit événement auquel il faudra s'habituer maintenant. J'ai toujours face au césarisme du temps qui nous domine tous, décliné tout affrontement. Et je n'oublie jamais que tout être ingambe que je suis, qu'un jour je ne serai, pour un moment ou pour l'éternité, je dépendrai toujours de l'instant qui me précède et me suit. Cet instant contre lequel nous ne pouvons rien, qui s'esquisse et passe sans rien nous demander, sans dépendre de nous, je ne fais, ne ferai que les compter dans ma mémoire. J'attendrai, je m'abstiendrai jusqu'à ce que cette eau du ciel finisse de tomber. Je resterai là, dans cette position, qu'il ramasse et qu'il vide de l'eau ardemment. J'attendrai que l'averse se renverse. Restez là, à guetter, tournoyer, guetter, comme le chacal guette la proie, qu'il faudra abattre avant la nuit, pour rentrer se reposer le cœur. Tranquille, d'avoir accompli le dernier conséquent ouvrage du jour. Tournoyer ce soir avant la tombée de la nuit, guetter, tournoyer, pour en finir avec cette vipère, avec elle, cette charogne, cet homme, là-haut. Je n'errerai, ne divaguerai pas, je musarderai comme une chienne, mes yeux en alerte, et je suis sûre que je saurai même bien à des mètres éloignés même renifler son arrivée. Et ce temps qui me verra triompher sur son sac d'organes, son corps, le faire tomber, ce temps-là, je m'en ferai une joie de l'apprécier, prendrai un long et délicieux plaisir de le voir arriver, enfin, l'engloutir comme on avale d'un glot une moelle, de la viande ramollie, j'attendrai, calmement, sans rien n'attenter qu'attendre, j'attendrai, je n'abandonnerai pas, ne compte que le temps. J'ai toujours désapprouvé la posture du voyageur qui, parce qu'au milieu du chemin, se souvient qu'il a oublié l'essentiel de ses effets, désagrège par conséquent tout son esprit, pour finir par s'octroyer un séjour effroyable. Pff, j'attendrai, enfin, tel empoisonnement de l'esprit ne m'atteindra pas. Le temps où lui, il s'approchera, se pointera. Pour moi, seul compte ce temps-là. J'attendrai ce temps, sans rien forcer, simplement, je resterai muette, impotente, face à ces nivelages, ces dévalements du temps de cette nuit qui nous est imposée. De glace impérieuse, passe le temps. Et nous vivons toujours avec lui. Celui qui me verra planter tout le haut de son corps, à la fenêtre même, le sanguinaire poison de mes virulents petits métaux. 1, 3, 5, 6, toutes à planter, à loger. Son buste, son estomac, et qu'il tombe, enfin. Ne m'échappera pas. Son buste, son estomac, et qu'il tombe. Tu ne m'échapperas pas. l'odeur des suintements de la terre qui envahissent mes muqueuses. Je l'attendrai me disant, à quoi rime tout cela? L'odeur des suintements de la terre qui envahissent mes muqueuses. Je l'attendrai me disant, à quoi rime tout cela? L'odeur des suintements de la terre qui envahissent mes muqueuses. Assèche ses yeux au ciel. Et toi là-haut, viens. Pour moi, c'est fini. C'est fini. Le temps m'ayant tout enlevé, tout pris. Pour moi. Avant, moi. Quand j'étais celle que je ne suis plus dans leurs yeux, puisque c'est moi. Puisque pour moi, c'est fini le temps. À tout prix. À tout prix, à tout prix. Charogne. Je n'avais pas d'âge que déjà il me voulait en sauvage, mes yeux teintés encore d'innocence, alors que eux, ce qui les attisait, ce qui les brûlait, ce qui en eux bouillonnait, me voir sous eux, sous leur proie, pétrir ma viande, mes muscles, ma proie, se loger dans le fin orifice. Celui qui, du haut de mes 8 ans, et aujourd'hui, est planté comme une énigme en moi. Pourquoi ne pouvait-elle simplement aller sans la terreur de vos yeux? Mon Idéline, pourquoi l'horreur de vos émulsions sauvages? De sortir, maman, d'aller dehors, une fois de plus, me faire huer, interpeller. Laisse, laisse ma fille, un jour cela passe. Toi, moi, nous, cette proie de la tentation. Mais un jour cela passe, finit par ne plus nous remuer. Ô être. En temps de guerre ou en temps de paix, femme sur qui Dieu se rue, que main, que mille mots massacrent sans raison, dont juste la verticalité, debout seulement, attise l'agression du sauvage, aux femmes, dont juste la verticalité. Déjà, les espaces se vident de tout encombrement et j'ai trouvé place, la mienne, l'instant, le moment véritable, celui qui me verra planter tout le haut de son corps à la fenêtre même, le sanguinaire poison de mes virulents petits métaux. 1, 3, 5, 6, toutes à planter, allongées dans sa face, son buste, son estomac et qu'il tombe enfin. Ainsi, ici et maintenant, ici, maintenant, et ainsi, son estomac et qu'il tombe enfin. Rien, personne ne me fera m'extraire, disparaître, sauf le temps qui passe pour avoir raison de moi, le maudit temps du théâtre de la vie. Que peut-on contre lui, le temps? C'est compté, nous ne pourrons pas rester plus longtemps que le temps qu'il nous est compté. C'est compté, nous ne partirons que quand il aura fini. Temps, c'est compté, nous ne pourrons pas rester plus longtemps que le temps qu'il nous est compté. C'est compté, nous ne partirons que quand il aura fini. Temps, c'est compté, nous ne pourrons pas rester plus longtemps que le temps qu'il nous est compté. C'est compté, nous ne partirons que quand il aura fini. Pourquoi peut-il toujours, si sa vie reprenne, continue de tomber? Il tombe une pluie dangereuse. Où dormiront ce soir ceux qui sous le ciel s'abritent de tomber? Il tombe une pluie dangereuse. Où dormiront ce soir ceux qui sous le ciel s'abritent de tomber? Viens, sors, sors, que je t'arrache ton cou, tes amygdales. Serais-tu de mèche avec cette pluie, cette salope qui tombe pour ne faire que tomber? Je n'abandonnerai pas, je n'abandonnerai pas, non, je n'abandonnerai pas. Je ne crois pas pouvoir abandonner, certes. Tant que tu vivras, mon souffle me sera suffocant. Pourquoi? De grâce. Pour elle, pour moi, la seule, l'unique que j'ai. Pourquoi? Je dis ces mots. Pour moi, là, avant. À n'importe quel instant, m'aurait fait verser des larmes. aujourd'hui, tu vois, tu le vois. Même ça, c'est fini. Je ne pleurerai pas. Je resterai de glace, de goût, pour t'attendre et t'effacer sous l'eau. Car si elle se poursuit, personne ne meurt sans plus. Même toi, tu auras besoin d'être lavé avant de trépasser, de mourir. Ton grand jour sans lendemain, il faut bien le croire. Accepter la pluie qui n'arrête pas. J'attends, moi, j'attends pour t'effacer, mon beau. T'effacer, t'effacer, oui, t'effacer. La pluie, s'est-elle arrêtée? Est-ce une trêve du ciel? Pourtant, avant celui-là, là-haut, à 6 ans déjà, moi, ce fut l'oncle. L'oncle vénérable. Son jeu favori. Le petit cheval, où j'étais conviée, où je galopais. Pas moi seule, nous toutes, nos petites robes en dentelle, nos jupes froissées, nous toutes, innocentes du haut de nos 6 ans, nos innocences froissées, nos robes, nos jupes froissées. Puis le voisin, avec un sourire gras, une voix douce, puis gaie, puis tremblotante. Puis nous sentons une affreuse tension, puis nous voyons, puis tremblotante, nous sentons l'affreux s'ériger. Ce monsieur, moi, ces autres, des années, plus tard et plus tard encore, qu'aimais que je les embrasse, moi, de mes pailleuses petites lèvres humidifiées d'enfant, les embrasser et tout cela encaisser, tout cela vivre avec, se faire, laisser que tout cela soit nôtre. Ma vie, notre fardeau. Que tout cela soit nôtre. Ma vie, notre fardeau. Que tout cela soit nôtre. Ma vie, notre fardeau. Que tout cela soit nôtre. Ma vie, notre fardeau. Soit nôtre, ma vie, notre fardeau. Que tout cela soit nôtre, ma vie, notre fardeau. Que tout cela soit nôtre, ma vie, notre fardeau. Que tout cela. Excuse-moi, gars, t'auras pas une clope, s'il te plaît? Ou 100 balles? Ou un Mars? S'il te plaît, mec, t'auras pas une clope ou un Mars ou 100 balles? S'il te plaît, mec, t'auras pas une clope ou un Mars ou 100 balles, s'il te plaît, mec? S'il te plaît, mec, t'auras pas une clope ou un Mars ou 100 balles? Bah ouais, justement, j'ai un Mars et j'ai 100 balles et une clope, tiens. Merci, mec, de rien, je t'en prie, avec plaisir. S'il te plaît, mec, t'auras pas une clope ou un Mars ou 100 balles? Bah ouais, justement, j'ai un Mars et j'ai 100 balles et une clope, tiens. Merci, mec, de rien, je t'en prie, avec plaisir. Est-ce que tu veux un Twix? Ouais, justement, j'ai un Mars et j'ai 100 balles et une clope, tiens. Merci, mec, de rien, je t'en prie. Mais tu veux dire un vrai Twix, quoi? Est-ce que tu veux un Twix? Ouais, justement, j'ai un Mars et j'ai 100 balles et une clope, tiens. Merci, mec, de rien, je t'en prie. Un vrai de vrai? Tu veux dire un vrai Twix, quoi? Ouais, je veux bien, ouais. Je veux dire, carrément. 100 balles et une clope, tiens. Merci, mec. Ouais, 100 balles, une clope, un Mars, ouais, c'est cool, Twix aussi. Vas-y, ouais. Ouais, je veux bien, ouais. Je veux dire, ouais, c'est cool. T'as pas autre chose? Ouais, si, j'ai plein de trucs, tiens. C'est les cool, fils, tiens. Ça, t'as dit, c'est pour toi, maintenant. Je bien, vas-y, souffre. T'as pas autre chose? Ouais, si, j'ai plein de trucs, tiens. C'est les fils, tiens. Ça, t'as dit, c'est pour toi, maintenant. Je bien, vas-y, souffre. T'as pas autre chose? Ouais, si, j'ai plein de trucs, tiens. C'est les fils, tiens. Ça, t'as dit, c'est pour toi, maintenant. Je bien, vas-y, souffre. T'as autre chose? Ouais, si, j'ai plein de trucs, tiens. C'est les fils, tiens. Ça, t'as dit, c'est pour toi, maintenant. Je veux bien, vas-y, souffre. T'as autre chose? Ouais, si, j'ai plein de trucs, tiens. C'est les fils, tiens. Ça, t'as dit, c'est pour toi, maintenant. Je veux bien, vas-y, souffre. T'as autre chose? Ouais, si, j'ai plein de trucs, tiens. C'est les fils, tiens. Ça, t'as dit, c'est pour toi, maintenant. Je veux bien, vas-y, souffre. T'as autre chose? Ouais, si, j'ai plein de trucs, tiens. C'est les fils, tiens. Il y a quelque part encore des peuples et des troupeaux, mais pas chez nous cependant. Chez nous, mes frères, il y a des États. L'État? Qu'est-ce que c'est? Allons. Maintenant, ouvrez vos oreilles, car je vais vous dire ce que j'ai à vous dire de la mort des peuples. L'État, c'est ainsi que s'appelle le plus froid des monstres froids, et il ment froidement. Et le mensonge que voici sort de sa bouche. Moi, l'État, je suis le peuple. C'est un mensonge. Des créateurs. Ce furent ceux qui créèrent les peuples et qui accrochèrent une foi et un amour au-dessus d'eux. C'est ainsi qu'ils servirent la vie. Des destructeurs sont ceux qui tendent des pièges pour des multitudes et les appellent l'État. Ils suspendent au-dessus de ceux d'eux un glaive et sans appétit. Là où le peuple existe encore, il ne comprend pas l'État. Et il le hait, comme un mauvais œil et comme un péché contre les coutumes et les droits. Je vous donne le signe que voici. Chaque peuple parle sa langue quant au bien et au mal. Le voisin ne la comprend pas. Sa langue, il se l'est inventée dans les coutumes et les droits. Mais l'État, lui, ment dans tous les idiomes du bien et du mal. Et quoi qu'il dise, il ment. Et ce qu'il possède, il l'a volé. Tout est faux en lui. Il mord avec des dents volées. Lui qui mord si volontiers. Fausses sont même ses entrailles. Confusion des langues du bien et du mal. Ce signe, je vous le donne comme signe de l'État. À la vérité, c'est la volonté de mort qu'indique ce signe. En vérité, il appelle les prédicateurs de la mort. Il naît beaucoup trop d'humains pour ceux qui sont en trop, on a inventé l'État. Regardez donc comme il les attire, c'est trop nombreux, comme il les ingurgite et mâche et remâche. Sur Terre, il n'est rien de plus grand que moi. Je suis le doigt qui crée l'ordre, le doigt de Dieu. Voilà ce que hurle le monstre. Et ce ne sont pas seulement ceux qui ont des oreilles longues et la vue courte qui tombent à genoux. Hélas, en vous aussi, ô grandes âmes, il susurre ces sombres mensonges. Hélas, il devine les cœurs riches qui aiment à se dépenser. Oui, vous aussi, il vous devine, vous, vainqueurs du Dieu ancien, vous, vous êtes fatigués au combat et maintenant votre fatigue de plus sert à la nouvelle idole. Elle aimerait disposer autour d'elle, héros et hommes d'honneur, la nouvelle idole. Il aime à se chauffer au soleil des bonnes consciences, ce monstre froid. Elle veut tout vous donner pourvu que vous l'adoriez, la nouvelle idole. Aussi achète-t-elle l'éclat de vos vertus et le fier regard de vos yeux. Elle veut se servir de vous pour appâter ceux qui sont en surnombre. Oui, il est vrai, on a fait là une trouvaille d'une diabolique habileté, un cheval de mort, tout cliquetant des oripeaux d'honneur divin. Oui, l'on a inventé là une mort pour les multitudes, une mort qui se vante d'être la vie. En vérité, un fier service rendu à tous les prédicateurs de la mort de mort. J'appelle État le lieu où sont tous ceux qui boivent du poison, qu'ils soient bons ou mauvais. État, l'endroit où ils se perdent tous, les bons et les méchants. État, le lieu où le lent suicide de tous s'appelle la vie. Regardez-le-moi, c'est superflu. Ils volent les œuvres des inventeurs et les trésors des sages. Leur vol, ils l'appellent culture. Et tout leur devient maladie et revers. Regardez-les-moi, c'est superflu. Toujours, ils sont malades, ils vomissent leur bile et c'est ce qu'ils appellent leurs journaux. Ils s'entre-dévorent, ils sont pas même capables de se digérer. Regardez-les-moi donc, c'est superflu. Ils acquièrent des richesses et en deviennent plus pauvres. Ils veulent la puissance et avant tout le levier de la puissance. Ils veulent beaucoup d'argent, ces impuissants. Regardez-les-moi grimper, ces singes agiles. Ils grimpent les uns par-dessus les autres et ainsi s'entraînent dans la boue et l'abîme. Tous, ils veulent accéder au trône. Et c'est leur folie. Comme si le bonheur était assis sur le trône. C'est souvent la boue qui est sur le trône. Et souvent aussi le trône sur la boue. Tous, ils m'apparaissent des fous, des singes qui grimpent de surexcité. Leur fou, leur idole, sont mauvais. Ce monstre froid, tous frissons, ils sont, mauvais. Ces idolâtres. Mes frères. Vous voulez donc étouffer dans les émanations de leur gueule et de leurs appétits. Émanations. Brisez plutôt les fenêtres et sautez dehors à l'air libre. Brisez. Écartez-vous donc de la mauvaise odeur. Fuyez l'idolâtrie des superflus. Écartez-vous donc de la mauvaise odeur. Fuyez donc les vapeurs de ces sacrifices humains. Pour des grandes âmes, la terre est encore à leur disposition. bien des endroits sont encore vides pour que viennent s'y établir les ermites, seuls ou à deux. L'odeur de mer tranquille les entoure. Les ermites. Une vie libre est encore ouverte aux grandes âmes. En vérité, celui qui possède peu est d'autant moins possédé. Loué soit la petite pauvreté, là où cesse l'État, c'est là que commence l'homme, celui qui n'est pas superflu. Là commence le chant de ce qui est nécessaire. La mélodie unique et irremplaçable. Là où cesse l'État, regardez donc mes frères. Ne les voyez-vous pas? L'arc-en-ciel et les ponts du surhumain. Ainsi parlait Zarathoustra. L'arc-en-ciel et les ponts du surhumain. Ainsi parlait Zarathoustra. L'arc-en-ciel et les ponts du surhumain. Ainsi parlait Zarathoustra. L'arc-en-ciel et les ponts du surhumain. Ainsi parlait Zarathoustra. L'arc-en-ciel et les ponts du surhumain. Ainsi parlait Zarathoustra. Ainsi parlait Zarathoustra sur Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net par Toussaint Carélien, Marie Diallo, Rache. Marche. Oh, pas mon nom. Et Steph à l'accordéon. Nuisance, l'émission qui déboîte tout. Allez, dans tout, je fais ça, fais dodo, dis papa, dis maman. Nuisance. C'est fini. tous les vendredis de 21h à 23h, vous pouvez retrouver l'émission Nuisance, l'émission qui nuit au sens. Allez, à la prochaine. Merci aux invités, merci aux participants, et aux participantes. À vendredi prochain peut-être. Qui sait après tout. Play grievances for me. I really dig it. Why do you like it? Because it's sick. My voice needs to know. Yeah, sure. And to make up before God himself. Will you play it? No, yeah. That okay. Jesus Christ is in your life. Testing.